Évidemment, il y a une joueuse de hockey qu'on parle pas beaucoup dans la région, mais Stéphanie Lalancette de Saint-Félicien a connu une belle saison au niveau universitaire hockey et avec l'Université de Concordia. Et là, quoi qu'il en soit, ben, dans le cas de Stéphanie, ben elle a même gagné le championnat universitaire. Et là, on va prendre de ses nouvelles un peu pour savoir comment que ça va. Salut Stéphanie! Allô? Comment ça va? Je veux dire, j'ai vu que t'avais eu une belle saison. Votre équipe a gagné le championnat avec Concordia. Donc ça, c'est super dans le fond, là. Oui, c'est ça, c'est en fait ça, on a gagné le championnat provincial, puis après ça, 2 semaines après, on est allé gagner le championnat national. Donc c'était une très belle saison pour Concordia, là, pour notre équipe. Quel rôle? As-tu joué un rôle important auprès de l'équipe? As-tu joué, t'étais-tu sur les trios régulières? Comment ça s'est passé? Ben, c'est sûr que là, tu sais, c'était ma 6e année, dans le fond, 5e année d'hockey, 6e année universitaire, là, avec le COVID, veux pas, vu que l'année passée, on n'a pas eu de saison. Moi, j'étais Ouais. revenue cette année pour ça. Donc, tu sais, veux pas, je pense que dans l'équipe, j'avais quand même un bon rôle. J'avais de l'expérience aussi. Tu sais, c'était plusieurs années que j'étais à Concordia, je connaissais le système de jeu. Donc, tu sais, veux pas, je pense que j'ai apporté aussi un peu de leadership, puis, tu sais, justement, cette expérience-là. Au plus jeune dans l'équipe, donc veux pas, je préfère de ma performance là, à ma dernière saison. Donc Stéphanie, c'est ta dernière année, donc tu as dû entendre parler de la ligue, qui a un travail de fait pour avoir une ligue, un genre de ligue nationale de hockey féminin au cours des prochaines semaines, des prochains mois, ça devrait se concrétiser. Ça te parle-tu beaucoup cette ligue-là? Oui, tu sais, honnêtement, je pense que c'est à voir avec les conditions, vraiment, cette ligue-là offre aux filles, tu sais, au niveau du salaire, au niveau des endroits, vraiment, ce que les équipes vont être situées, puis quand que, tu sais, ça va marcher. Fait que, tu sais, je pense que, même que l'annonce, elle soit faite, tu sais, rendue là, je vais voir aussi s'il y a un repêchage, puis comment ça se passe. Puis, tu sais, j'avais évalué un petit peu, là, c'est quoi mes options, puis je vais voir avec ça, là. OK. On parlait de 120. Daniel Sauvageau m'a dit, bon an, mal an, il y a à peu près 120 joueuses de hockey qui pourraient jouer dans cette ligue-là. Est-ce que toi, tu fais partie des. Quand on dit 120 joueuses, est-ce que Stéphanie en fait partie ou c'est 120 joueuses qui sont fédérées, puis toi, tu fais partie du repêchage, tu fais partie d'un repêchage, puis finalement, tu rentrerais là-dedans? Tu sais pas. C'est ça, mais c'est vraiment dur à dire aussi, là, parce que moi aussi, j'ai entendu ça, ce 120 joueuses-là. Donc, je sais pas, c'est peut-être déjà les 120 joueuses qui étaient dans la Ligue dans les dernières années et tout, puis qui étaient là. Donc, c'est vraiment dur à dire comment que ça va fonctionner avec le repêchage. C'est sûr que si je suis repêchée, puis tu sais, c'est sûr que j'aimerais ça rester aussi à Montréal aussi, puis tout, là. Donc, c'est ça va être vraiment de voir un petit peu comment ça fonctionne, le repêchage. Si t'es pas repêché, il se passe quoi? Est-ce qu'il y a moyen de pratiquer ton sport pareil, même si ben, probablement que ça comment que ça va se passer? Je sais qu'il y a une ligue qu'on a vu des matchs à TSN cette année. Je sais pas si tu as entendu parler de cette ligue-là, la Premier Federation. Et y a-tu moyen ou c'est la fin de ta carrière, c'est quoi là? Ben, tu sais, c'est ça. Tu sais, je pense qu'après ça, si c'est pas dans la ligue professionnelle, donc et féminin, après ça, tu sais, ça va peut-être de juste continuer. Tu sais, je pense qu'avec mes études en loisirs, tu sais, en ce moment, je me suis trouvé un travail à Rosemère que j'aime vraiment beaucoup. Donc, Okay. tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, le côté Europe non plus, il m'intéresse pas en ce moment. Tu sais, j'ai tellement envie de donner à mon sport, puis je veux tellement rester aussi au Québec le plus Ouais. possible. Donc, tu sais, ça. Tu sais, après ça, tu sais, je vais faire une transition. Fait que, c'est pas là, OK, mais féminin après ça, je sais que j'aurai pas de problème à me placer ailleurs là, dans un métier, puis que je vais continuer pareil de m'entraîner puis de jouer dans une ligue de garage au pire, c'est bien correct. Mais ça va, ça s'en vient là, parce que. Toi, t'as-tu senti, ça fait que t'as joué quand même quoi, un bon 6 ans dans le hockey universitaire, t'as-tu senti que le hockey féminin progresse dans ces 6 ans-là? T'as-tu senti une différence? T'as-tu senti que année en année, ça devient plus fort? Oui, je pense que vraiment, là, en 6 ans ou avant même que j'arrive à Concordia, veux pas, on voyait que le programme de Concordia puis la Ligue du Québec était meilleur, veux pas. On a plus de filles aussi qui sont restées au Québec, il y en a moins qui sont parties aux États-Unis. Donc, c'est ça fait vraiment la différence. Les universités du Québec qui recrutent de plus en plus tôt les filles au cégep. Donc, c'est tout ça, mais ça fait une différence. Puis, on voit vraiment qu'il y a un changement de mentalité aussi. Puis, c'est vraiment plus focusé sur la performance, la victoire. Puis, je pense que la ligue est extrêmement rapide. puis justement qu'on a été capable de le montrer au championnat national à quel point qu'au Québec, on est une bonne ligue en remportant ce championnat-là, bien, ça démontre, je pense, ça va être l'exemple pour le reste du Canada que... Oui, Stéphanie, t'as-tu entendu parler? Bien évidemment, là, t'as entendu parler certainement qu'il y aura un programme de hockey qui va avoir, qui va être dévoilé vendredi, le rapport dont Marc Denis était président. Et on parle beaucoup d'installer des équipes universitaires de hockey. Donc, il y aurait des équipes avec le rouge et or, il y aurait des équipes féminines, masculines et féminines, ce qui serait une bonne nouvelle en soi. Il y aurait également plus d'équipes, même dans la région, on parle même d'une division 2. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Puis le hockey féminin progresserait dans ce temps-là, là. Oui, c'est ça exactement. Là, avec Bishop, je pense aussi, ça démontre à quel point que cette équipe-là sont rentrées dans la ligue cette année. Ils ont beaucoup de potentiel. Donc, s'ils peuvent s'ajouter d'autres équipes universitaires, on a beaucoup de ligues collégiales au Québec. Donc, je pense que c'est important justement d'offrir l'opportunité à ces filles-là qui jouent au Cégep de poursuivre leur étude. Puis, et le hockey au niveau universitaire okay. au Québec. Donc, je suis très contente d'entendre ces nouvelles-là, puis j'ai hâte aussi de voir les détails là, plus tard. Ouais, Stéphanie, dernière question, parce que la ligne est mauvaise, c'est aux États-Unis. Donc, qu'est-ce qui se passe avec toi cet été? Tu es aux États-Unis, es-tu dans un camp d'entraînement? T'es-tu quelque part? Non? C'est quoi qui se passe avec toi? C'est ça. Là, en ce moment, je pense que là, je viens juste de terminer mes études. Donc, j'ai pris un petit congé. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas profité comme ça. Donc, c'est ça, je vais passer la semaine un petit peu en vacances aux États-Unis. Donc, ça va me permettre un peu de relaxer. Puis après ça, j'ai déjà mon emploi à Rosemère pour tout l'été. Donc, c'est ça, je vais continuer à me tenir en forme, à en profiter, à faire d'autres sports, d'autres loisirs, puis à travailler à Rosemère là, pour en loisir. Ben, merci beaucoup, bravo. On aurait eu ça de parler plus longtemps, mais la ligne est très très mauvaise, Stéphanie. Merci beaucoup, on s'en parle bientôt. Peut-être même à l'annonce aussi de la ligue, si ça t'intéresse. Voir. Oui, mais certainement, on aura l'occasion de s'en reparler bientôt. Stéphanie Lalancette de Saint-Félicien qui évoluait avec Concordia.